On va parler avec le cycliste de Saint-Félicien, Victor Véro. Victor Véro qui était en fin de semaine au Mont-Saint-Anne, a très très bien fait. Terminé premier dans la catégorie XCA, champion québécois, en plus de terminer deuxième dans la catégorie XCO. Question de savoir davantage, on lui parle. Salut Victor! Bonjour! Victor, pour les néophytes comme moi, XCA et XCO, c'est quoi la différence? Dans le fond, XCA, c'est un type de course qu'il y a de moins en moins souvent. Okay. C'est comme contexte, on est quatre par vague, puis c'est des vagues de quatre, environ 2 minutes du tour. Okay. On fait un tour, puis c'est les deux premiers qui arrivent à l'arrivée en premier, qui passent à la vague suivante. OK, OK. C'est comme donc, c'est un peu un sprint, genre, pourrait dire. Ouais, exactement, c'est un sprint, ouais. OK, c'est un trail, puis ça, c'est... J'imagine que ça, c'est... Et l'autre, c'est XCO, c'est une compétition normale qu'on connaît, là, des courses de 2 heures, c'est ça? Oui, exactement. XCO classique, là, une course de vélo de montagne là, normale. OK. Donc, ça demande la compétition XCO, ça demande un entraînement encore plus fort? Ben, un entraînement, ce serait, mettons, il y en a qui pourraient s'entraîner juste pour ça. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui font nécessairement juste ça, vu le nombre de courses qui est limité. Mais c'est sûr que c'est un effort différent. T'sais, c'est un 2 minutes all-out qu'il faut être le plus fort possible, tandis qu'une course de vélo de montagne, ben, c'est de l'endurance d'une heure et demie. Là. Ouais. Fait que ça travaille pas la même chose, mais faut s'arranger un peu pour être capable de faire les deux. Puis toi, tu es à l'aise, j'imagine, de sur les deux, parce que quelque part, faut travailler. T'sais, des fois, dans une compétition, même d'endurance, il faut que tu fasses un sprint à un moment donné. Là. Oui, surtout. Puis, justement, à ma course là, au XCE, je suis quand même très bon sur mes départs. J'ai des très bons départs, je suis capable de me clipper facilement. Fait que je pense que ça m'a donné peut-être un avantage là, de ce côté-là, là, parce que j'ai pu me rapidement partir puis tout de suite commencer à forcer. Là. OK. Donc, tu dois être content pareil, deuxième puis premier? Ben oui, vraiment content. Très content de ma fin de semaine. OK. Ouais. OK. Le Mont-Saint-Anne, c'est vraiment la piste au Québec. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ben, mettons, là, c'est sûr que nous autres, on faisait pas le gros parcours, mettons, que de classique qui se fait en Coupe du Monde. Ouais. C'était juste un championnat québécois. Mais je sais, le parcours de la Coupe du Monde, c'est un des plus réputés même au monde. Là. Mais leur parcours de québécois est très beau aussi, mais ils enlèvent quelques parties, là. Fait que c'est pas le gros parcours. OK, OK. Dis-moi si j'ai vu que tu avais manqué par pas grand-chose ta participation à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben dans le fond, au début de l'année, j'avais comme le choix entre aller faire une Coupe Canada au Mont-Tremblant ou aller faire 2 Coupes du Monde en Europe. Okay. C'est sûr qu'à mettons, en faisant une Coupe Canada, ben j'avais plus de chances d'en faire de points vu que le classement, le calibre est moins fort un peu. Ouais. Tandis que là, j'ai décidé de prendre plus l'expérience puis d'aller justement là, faire des Coupes du Monde là, où ce que je savais que j'allais pas nécessairement faire de points. Là, parce que ça prend un top 25 en Coupe du Monde pour faire des points. Ouais. Fait que je m'attendais pas à faire le top 25. J'ai dit, je vais aller là pour l'expérience. Puis c'est peut-être là que si je serais allé au Mont-Tremblant ou ben même un autre course, si elle compte que j'aurais fait une position mieux, ben j'aurais peut-être gagné 2 points de plus. Puis c'est pas grand-chose. T'avais de l'air déçu par contre dans l'entrevue que t'as donnée au quotidien. T'as pas eu parti. Ouais, ben c'est sûr que c'est la plus grosse événement de l'année. Ouais. Puis c'est la deuxième fois. Ben, ça fait 10 ans que t'étais pas venu au Mont-Saint-Anne cet événement-là. Puis c'est sûr que à Québec, fait que c'est à côté de chez nous, là, c'est rare qu'il y ait ça quand même, un championnat du monde au Québec, là, fait que c'est sûr que j'étais déçu pour ça, puis en même temps, ben, c'est une grosse course, puis le monde a fait tout, c'est comme un peu l'objectif principal là, de la plupart des athlètes canadiens. OK. Dis-moi, si on parlait un peu de ton année, c'était ta première année vraiment là, sur un circuit U19, t'es content dans l'ensemble? Ouais, ben c'est sûr que là ben, depuis l'année passée, j'étais dans les catégories U23, fait que là, c'est ma deuxième année U23. J'ai pris de l'expérience l'année passée. Je pense que je n'en reprends encore cette année. Puis là, j'ai su pas juste prendre de l'expérience, puis aussi me batailler avec les meilleurs. Là. Ouais. Je pense que ça va en progressant, puis on s'en va vers le bon chemin. Là. Qu'est-ce qui reste à travailler? Je pense que c'est encore de mettre de plus en plus d'entraînement, parce que le niveau est plus fort, les courses sont plus longues, il y a plus de compétiteurs, puis les compétiteurs sont de plus en plus forts aussi. Fait que c'est juste d'augmenter le niveau en général, là, puis faire plus de vélo là, de plus en plus. Là, ouais. Est-ce que, Monique, tu t'entraînes en région? On a vu tes athlètes de pointe partir à l'extérieur, à Montréal, se rapprocher des grands centres pour vraiment améliorer leur technique d'entraînement. Est-ce que c'est une possibilité pour toi? Ben, à Saint-Félicien, tu es vraiment là, bien sûr que tu es à côté de ce qu'on appelle du Toboski. Il y a une très belle piste, mais quand même, est-ce que c'est une possibilité pour toi? Je pense pas que c'est une possibilité que j'aille à l'extérieur. Je vais pas mal tout le temps, surtout avec, tu sais, vu que j'ai pas nécessairement besoin d'aller à l'école ailleurs. OK. Que j'ai tout ce que j'ai besoin au niveau scolaire au cégep de Saint-Félicien. Fait que, vu que l'école m'attire pas vraiment ailleurs, je pense que j'ai pas nécessairement besoin d'aller d'aller dans les grands centres et tout, là, pour m'entraîner, là, parce que, tu sais, je suis capable de le faire chez nous. C'est sûr, la seule différence, c'est celle, les coéquipiers puis de m'entraîner avec plus de monde, mais ça, je suis capable de l'avoir à Alma. Okay. À une heure de route. Fait que là, ouais. Je pense pas que je vais faire ça aller à l'extérieur un jour. OK. Là, il te reste une course en fin de semaine aux États-Unis? Ouais, exactement. Il me reste une Coupe du Monde. C'est la dernière Coupe du Monde de l'année. OK. Et, j'ai réussi à faire, en faisant ma demande, là, j'ai réussi à être accepté pour aller à faire, là, puis représenter l'équipe canadienne. Ah, OK. Tu vises quoi là-dessus? Ça dépend comment il va y avoir de monde, je sais pas. Là. Vu que c'est la dernière de l'année, ça se pourrait qu'il y ait moins de coureurs, mais en même temps, vu que c'était les championnats du monde la semaine passée ici, ben c'est comme pour les Européens, là, ben, c'est juste à côté. Ouais. La plupart vont transférer. J'aimerais ça peut-être faire un top 60, un top 50. J'ai eu une bonne fin de semaine la semaine passée, fait que ça augure bien. Là, fait que, ouais, un top 60 ou 50, là, je serais pas content. Okay. Ben, Victor, félicitations encore une fois pour ton année. Et au plaisir de se parler, puis on se reparle l'an prochain. Oui, merci beaucoup. Voilà, le cycliste de Saint-Félicien, Victor Vé-